si, si, si. Al Capote, l'empereur. Serge Gainsbourg applaudit ou reste accroupi pour mon arrivée. Bande de putains, la crème du 9-1. Si, si. Ouais, c'est l'arrivée de Serge Gainsbourg. Rap sorti contre interdire aux mineurs. Al Capote t'extermine d'entrée. Salope, je suis expérimenté. J'écris des textes très pimentés. Une fois que mon sexe est vidangé, je laisse les petits manger. Je veux percer, vivre en paix, je suis un extrémiste français. Tu connais le secret, espèce de putain. Tire dans le tas, on te nique en bas, ton team en bas. Mes types en bas, mais t'y penses pas. On tisse dans le parc du 10 ans d'âge, pas de Miranda. Vas-y, remballe, laisse ouvert ton huc et serre un petit encas. Ici on survit, comme dans Koh-Lanta. Salope, je vais t'écarter les jambes comme Jean-Claude Van Damme. J'y vais franco, je m'en bats les malades mentaux, je m'en charge. Quoi, ça pue, ça sent trop le scandale. Tordu et bizarre, je pourrais descendre dans les égouts, manger des pizzas comme une tortue ninja. La formule qui marche pour que les petits rats sortent du village. Minaf, je pratique les tortures d'Irak. Applaudis pour l'arrivée de Serge Gainsbourg. Sortez votre cheaté, versez de la liqueur. Applaudis pour l'arrivée de Serge Gainsbourg. Pour mes erreurs, team, mes voleurs et mes dealers. Applaudis pour l'arrivée de Serge Gainsbourg. À la sortie de boîte, on tire sur le videur. J'ai à peine commencé que ça se met à hurler. Je vais envoyer la purée, vous désanusser. Tu connais mes facultés. Je vous fais mouiller avec un couteau rouillé, mais très affûté. Je vous encule tous, si vous voulez que je tombe. Je vous fous les jetons, va pas croire que je couche sous les ponts. Viens pas hausser le ton dans le palais du sultan. Mes vampires sucent du sang et tout ce qui est succulent. 100% musulman, c'est pour mes truands fulgurants. Ceux qui vendent de la pure substance, éjacule du jus gluant. Je veux plein de zéros sur mon compte en banque et des pétasses qu'on s'entende. Marche avec ma voix dans ton baladeur. C'est pour mes cascadeurs du 9-1 et mes bagarreurs. Arnaqueurs professionnels et grands escrocs. Vous invite déjeuner dans les plus grands restos. Applaudis pour l'arrivée de Serge Gainsbourg. Rap sort, dites qu'on ferait interdire aux mineurs. Applaudis pour l'arrivée de Serge Gainsbourg. Nettoie ton slip et lave-toi les dents, sale pipeur. Applaudis pour l'arrivée de Serge Gainsbourg. Quoi qu'on dit, je vais niquer vos races comme Freezer. Applaudis pour l'arrivée de Serge Gainsbourg. Protège ta mine face à moi, surveille ta petite sœur. Applaudis pour l'arrivée de Serge Gainsbourg. Fini de rire, on va enculer les tricheurs.